On peut pas dire qu'on défend les services publics en coupant notre partenariat d'actualité qui s'occupe des personnes les plus éloignées du marché de l'emploi. On ne peut pas dire qu'on défend Actiri si on ne défend pas son partenariat. Le partenariat de l'insertion socioprofessionnelle avec les missions locales, les organismes d'insertion socioprofessionnelle et l'économie socialement adaptée insertion vont coûter des microservices, c'est essentiel pour les politiques régionales d'emploi et les politiques locales. Il faut vraiment défendre son partenariat et nous diminuent des coupes budgétaires drastiques qui tombent majoritairement sur notre secteur. Voilà. Alors on restera ici, on va monter votre idée pour que le comité de gestion qui a refusé le budget continue à refuser le budget tant que nous ne serons pas éliminés. Voilà. Bonne manif à tous.